21.5, observation, prononciation, syllabe ouverte, révision. Vous vous rappelez qu'en français, on tend à diviser la chaîne parlée en syllabes ouvertes, c'est-à-dire des syllabes terminées par un son de voyelle. On tend à séparer les voyelles de la consonne suivante. Il n'y a pas d'anticipation de la consonne. Observez la division en syllabes dans la phrase suivante. Je me suis assis à la terrasse. Toutes les syllabes, à l'exception de la dernière, race, sont des syllabes ouvertes.